Je vais-tu finir par avoir l'avoir, la crise de paix? Vas-tu l'avoir, la paix? Je vais-tu enfin l'avoir, la crise de paix? Que je peux avoir la paix, puis que je peux m'asseoir le matin devant mon jardin, ou bien à l'intérieur, puis avoir la possibilité de regarder mes affaires, puis d'être bien dans mes choses, puis d'avoir la paix. On s'en va vers un monde où on l'aura pas, la paix. Il va falloir se battre. Puis ça, c'est voulu par des forces très intelligentes. Très, très intelligentes. Ils nous laisseront pas avoir la paix. Ça veut que ça évolue, ça veut qu'on devienne créatif, ça veut qu'on se rende compte, ça veut qu'on intègre le réel, ça veut qu'on sache ce qu'on sait d'une façon consciente. Donc, je ne l'ai pas, la paix, comme vous non plus, je suis certain. Je veux dire, tout ce qu'on vit là, ce qui est arrivé, les confinements, qui va sûrement en avoir d'autres, ce qui se passe avec la Russie, puis on ne l'aura pas, la paix. On ne l'aura pas, la paix. Puis, le pire, c'est que j'étais quelqu'un que ça y prenait pas grand-chose pour avoir la paix. J'avais pas l'ambition d'être riche et puissant, là. Je voulais juste avoir mon raccoin. Je voulais juste avoir mon gazon.